Les petites histoires de Tell Me. Victor, un auditeur des petites histoires, voulait une histoire de pompier qui sauvait une princesse. Cette envie m'a drôlement inspiré. J'espère que l'histoire vous plaira. Bonne écoute. Le combattant du feu. Glenn rêvait de devenir chevalier, mais il était encore trop petit. Même s'il était capable de manger un piment cru sans pleurer, même s'il avait repoussé un ours affamé avec une balle en mousse, même s'il était le champion de crosse de son village, il n'était pas plus haut qu'une table à manger et pas assez costaud pour porter une épée. Tous les épinards et toute la soupe du monde n'y changeaient rien. Chaque jour, quand il se présentait devant l'Académie des Protecteurs, on lui disait « La chevalerie, ce n'est pas un jeu d'enfant. Reviens quand tu seras plus grand. » À chaque fois, des tas de mots se bousculaient dans sa tête pour tenter de les convaincre, mais ils sortaient toujours dans le désordre. Alors Glenn s'enfuyait, rouge de honte et vert de colère. Il se réfugiait à l'abri de tous, dans le champ de maïs de ses parents. Là-bas, personne ne le moquait. En plus, les maïs savaient écouter mieux que personne ses malheurs. Cette fois-là, un maïs pétarada et dans un nuage de pop-corn, une sorte de nain de jardin joufflu apparut. Sa tenue était si colorée que Glenn eut mal à la tête rien qu'à le regarder. « Ne sois pas si tristounet, mon petit gars. Falala est là. Hein? Comment vous avez pu sortir d'un maïs ?»« Je suis un bon génie, je suis là pour t'accorder un vœu. »« Mais j'ai rien demandé. » »« Oh là là, mais tous les génies ne sont pas coincés dans des lampes. Moi, je parcours le monde à la recherche de souhaits à exaucer. Et si mon détecteur m'a mené à toi, c'est que tu as un vœu. » »« Vous vous trompez. Un enfant ne mérite pas d'être chevalier. » Falaise, sottise, niaiserie. La valeur n'attend pas le nombre des années. Voilà la vérité. Alors si tu le souhaites, je peux faire de toi un chevalier. Tout ce que tu as à faire, c'est prononcer la formule. Quelle formule? Eh ben tu sais, la formule. Falala, je souhaite devenir chevalier. C'est le seul moyen de valider ton souhait et de réaliser ton rêve. Alors, falala, je souhaite devenir chevalier. Le génie, tout sourire, fit craquer ses jointures puis entama une petite danse pleine de moulinets de bras et de gigotages de jambes pour se finir sur un claquement de doigts. « À ton souhait, Glenn !» Glenn éternua. L'instant d'après, un éclair fulgurant frappa le sol et transforma le maïs alentour en pop-corn. Les yeux de Glenn devinrent plus gros que des boucliers. Plantés dans le sol fumant, une lance s'offrait à lui. Dès qu'il la saisit, l'arme s'ajusta parfaitement à son bras. Une inscription luisait sur la pointe argentée. « Combattre le feu ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?»« Eh oh, je suis un génie, pas un expert en énigmes. » »« Cette lance a l'air chouette, mais je ne me sens pas du tout chevalier. »« Ton souhait a été exaucé, je ne peux rien faire de plus. » »« Mais je suis toujours petit, faible. Même cette lance l'a devinée, elle s'est transformée en cure-dent géant. » »« En fait, vous aimez rendre les gens malheureux ?»« Du tout. » Si cette lance est apparue, c'est qu'elle fera de toi un chevalier. Croix de bois, croix de fer, si je mens, qu'on me change en pomme de terre. Le génie ferma les yeux, tremblant. Seul un corbeau lui répondit. Tu vois, j'ai pas menti. Bon, c'est pas tout ça, mais je sens que ça va pas mal chauffer ici. Je préfère être au frais. À la voyure, Glenn. Falala disparut dans un petit nuage rose pailleté. Glenn se retrouva seul, complètement déboussolé. Il ne voyait pas bien comment il pouvait devenir un chevalier avec une si petite lance. Soudain, le ciel gronda. Une comète rougeoyante embrasa le ciel. Il fit si chaud que tout le champ de maïs explosa en un impressionnant pop-corn d'artifice. Le météore s'écrasa près du château du roi, puis il grandit, grandit, grandit pour devenir un géant de lave terrifiant. Le monstre pénétra dans le château pour ressortir aussitôt avec dans ses griffes la princesse Philonie. Il déploya de gigantesques ailes de feu et s'envola. Très vite, l'horrible nouvelle tomba. Dans tous les royaumes, les princesses avaient été enlevées par des géants de lave. Le prince des flammes rêvait de se marier, mais toutes les princesses l'avaient rejeté. Alors, il avait décidé de les faire kidnapper pour qu'aucun autre prince ne puisse les épouser. Pour libérer les jeunes filles, on réunit une récompense royale surpassant les montants des plus grandes loteries, et des pigeons furent envoyés aux quatre coins du monde. Une armée de héros répondit présent, mais échoua. Albafror, champion légendaire de l'île aux dragons, avait fui face au danger. Bronn, le grand dresseur, n'avait pas fait le poids malgré sa meute de monstres enragés. La sorcière de l'hiver, le chevalier châtaigne, le troll du pont se succédèrent en vain. Même le terrible Mordicus et son armée de zombies finirent comme un steak oublié sur le feu. Tout le monde se lamentait, Glenn le premier. Si seulement Falala avait fait de lui un véritable chevalier, il aurait pu vaincre l'affreux prince et venir à bout de son armée de flammes infernales. Il regarda tristement sa lance. L'inscription scintilla à nouveau. Une vague d'assurance le submergea. Il se mit en chemin. Le palais des flammes était taillé dans le flanc d'un volcan. De loin, il ressemblait à la tête d'un démon hurlant. Le grondement de la lave qui s'écoulait donnait l'impression d'entendre des hurlements sortis tout droit des enfers. Glenn déglutit, serra très fort sa lance et y entra. Le hall d'entrée était plongé dans la pénombre, à peine éclairé par des torches sur le point de s'éteindre. Il continua à marcher dans l'obscurité. Soudain, au bout du couloir, une lumière éclatante fit danser des ombres inquiétantes sur les murs. Glenn les ignora et continua d'avancer. Le couloir donnait sur une salle gigantesque, éclairée par des centaines de chandeliers flamboyants. Assis sur son trône, un colosse de flammes potelées chantonnait gaiement en boulotant des billes de lave au chocolat. Lorsqu'il aperçut Glenn, le prince des flammes ne put s'empêcher de lâcher un rire caverneux qui rebondit dans toute la salle. Ils sont tellement à court de héros qu'ils envoient un enfant. Je suis peut-être un enfant, mais je suis un chevalier. Tu es si drôle que je veux bien te laisser partir sans te rôtir. Je suis là pour sauver les princesses. Oh, et tu crois vraiment me battre avec ton bout de bois? Tu vas finir en cochonnet braisé si tu ne fuis pas. Si vous vous rendez, je ne vous ferai pas de mal. Le prince perdit son sourire. Il avala une dizaine de boules de lave qu'il cracha aussitôt comme des noyaux de cerise. Elles s'écrasèrent mollement au sol, puis grandirent pour prendre l'apparence de soldats de lave crépitants. Glenn brandit sa lance. Les soldats rigolèrent et se jetèrent sur lui. Il voulut fuir, mais il sentit au fond de lui qu'il ne devait pas reculer. La lance se mit en mouvement. Elle savait d'elle-même où frapper. À chaque coup, un soldat de feu s'évaporait. Il ne resta plus que le prince, qui sautillait, furieux. Fulminant, il prit une grande inspiration et cracha un torrent de flammes si intense que la roche fondait sur son passage. À cette avalanche incendiaire, la lance opposa un puissant torrent d'eau glacée qui déferla dans la salle du trône. Trempé jusqu'aux os, à peine plus gros qu'une flamèche, l'horrible prince des flammes capitula. Les princesses, surprises, furent libérées par un drôle de petit bonhomme noirci comme un charbon, mais dont le sourire éclatait de fierté comme un diamant. Le soir même, toutes les grandes places du monde furent illuminées pour célébrer l'avènement du chevalier Glenn, premier combattant du feu. C'était une histoire de Mathieu Jeunel, racontée par Arnaud Guillot. Vous avez aimé cette histoire? Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt.